bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue. C'est la Redark du Sport. Il est un peu plus de 20h30. On est sur Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec plein de choses encore ce soir au programme. Évidemment, on va bien sûr parler de foot avec. Ça y est, la fin un petit peu partout des championnats. Les barrages, les derniers qualifiés hein, pour la Ligue 1 avec Auxerre hier qui s'est imposé au tir au but face à Saint-Etienne et qui donc retrouvera l'élite après 10 ans passés en Ligue 2. En revanche pour Saint-Etienne c'est terminé donc pour cette Ligue 1. On reviendra bien sûr sur la finale de Ligue des Champions, un peu décevante avec la victoire une nouvelle fois du Real Madrid qui a battu Liverpool 1-0. Bien sûr, donc cette victoire donc du Real dont on reparlera tout à l'heure. Ça c'est pour la Ligue des Champions. Et puis cette semaine, c'est le début de la Ligue des Nations, ça y est. L'équipe de France qui attaque vendredi avec un match face au Danemark. Ce sera à 20h45, donc vendredi pour le début de cette Ligue des Nations. On en reparle bien sûr tout à l'heure. Donc pour la partie foot, Roland Garros bien sûr au programme cette semaine. Encore une fois avec les quarts de finale demain. Ce soir on suivra donc dans 10 minutes le début de la rencontre entre le numéro 2 mondial Daniil Medvedev, le russe, qui affrontera Marin Cilic, le croate. Donc un match dans 10 minutes. On reparlera donc des qualifiés du jour avec notamment Casper Ruud qui s'est qualifié. On parlera aussi donc de l'autre qualifié du jour, c'est donc le Norvégien Rune, l'association qui a battu le Danois qui a battu le Grec Tsitsipas, le finaliste l'an passé en 4 manches. C'est une sensation pour ces quarts de finale. Et puis un petit peu plus tard, c'est Rublev qui, après l'abandon de Jannik Sinner l'Italien, s'est qualifié lui aussi pour les quarts de finale. Hier, bien sûr, vous avez vécu peut-être le huitième de finale incroyable entre Nadal et Ojeda Aliassim, qui a une nouvelle fois vu l'Espagnol s'en sortir encore comme souvent, et qui sera opposé à Djokovic demain, qui lui a eu un match beaucoup plus facile face à Schwartzman. Demain donc ce sera, on l'a appris tout à l'heure dans l'après-midi, ce sera en night session, donc à 20h45, Djokovic Nadal sur Prime Video. Mais la bonne nouvelle c'est que ce sera en clair sur Prime Video. Il ne faudra pas forcément être abonné pour accéder au match. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai qu'on attendait plutôt un match en après-midi pour une diffusion vraiment plus large sur France Télé. Ce sera en tout cas sur Prime mais en clair, et ce sera donc la nuit. Et c'est pas une bonne nouvelle pour Nadal qui n'aime pas trop les conditions de jeu, puisque c'est vrai qu'ils sont pas les mêmes la nuit hein, sur une terre battue, une surface plutôt vivante et qui n'a pas les mêmes conditions de jeu en journée et en soirée, en nuit. Donc ce sera peut-être une des clés aussi de cette rencontre. En tout cas on a hâte d'y être, une revanche de la saison passée, hein, de l'année passée où le Serbe s'était imposé dans une finale aussi incroyable, dans une demi-finale incroyable. Chez les dames, c'est également aujourd'hui les huitièmes de finale. Qualification de la Russe Kazatkina qui a battu la italienne Georgie. On a également la numéro 1 qui s'est qualifiée, Sviatek qui s'est imposée. Et on parlera des autres matchs également tout à l'heure. Donc dans cette partie tennis, donc on en parlera tout à l'heure. Autre sujet ce soir également au programme, du rugby avec le titre en Champions Cup de La Rochelle dans un match aussi incroyable. On avait quand même un week-end assez fou hein, ce week-end en sport. Et La Rochelle qui s'est imposée face au Leinster dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Qui a renversé donc le Leinster à la dernière minute hein. Et bravo en tout cas pour La Rochelle qui devient champion d'Europe pour la première fois de son histoire. En tout cas grosse sensation, on en reparlera également tout à l'heure donc page rugby. Du basket, on connaît eh bien la première demi-finale de la Betclic Elite avec Asvel Dijon. Et l'autre demi-finale attendra, en tout cas un qualifié déjà, c'est Pau. Et on attend l'autre entre Monaco et Strasbourg qui se joue en ce moment même d'ailleurs, pour connaître l'identité du dernier demi-finaliste. En NBA, là aussi on connaît l'affiche, mais cette fois de la finale NBA entre les Warriors de Golden State et les Celtics de Boston, qui se sont défaits difficilement, en tout cas pour Miami, pour Boston pardon, qui s'est défait de Miami dans le match 7. En revanche pour les Warriors c'était beaucoup plus simple, 4 matchs à 1, on en reparlera aussi tout à l'heure évidemment. Un mot aussi de handball, les Saranais qui sont inclinés assez logiquement au Paris Saint-Germain vendredi dernier, mais c'est surtout bien sûr cette semaine, donc notamment mercredi, que ça se jouera, une partie de l'avenir de ce joueur, avec deux matchs cette semaine qui seront cruciaux. On fera le point tout à l'heure également bien sûr sur cette page hand. Et puis aussi également en Formule 1, hier Grand Prix Monaco, c'était aussi un des beaux événements du week-end, avec la victoire pour le Mexicain Sergio Pérez, qui a remporté ce Grand Prix devant Carlos Sainz et Marc Verstappen. Déception pour le local Charles Leclerc, quatrième seulement à l'issue de ce Grand Prix. Et en MotoGP, on en reparlera aussi, mais deuxième place pour Quartararo, notamment dans le Grand Prix d'Italie. Voilà le programme de ce soir. Des directs donc avec un petit quart d'heure maintenant. Le début du match entre Marin Cilic et Daniil Medvedev, c'est bien sûr le dernier huitième de finale de Roland-Garros. Chez les dames, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Et puis également en direct, donc le match 3, donc le match d'appui pour les quarts de finale de la Betclic Elite entre Monaco et Strasbourg. Pour l'instant, Strasbourg a fait le break puisqu'il mène 38-19 dans le deuxième carton. À l'issue de cette rencontre, eh bien, le gagnant affrontera Pau, donc en demi-finale donc de la Betclic Elite. Voilà le programme des directs ce soir. Et on va bien sûr écouter aussi des sons comme ce soir. Alors pas de programmation encore ce soir malheureusement, puisqu'on n'a encore pas de réseau ce soir. Le réseau internet n'a pas été réparé toujours. Donc il n'y aura pas de programmation. Ce soir on aura des sons quand même, mais je ne pourrais pas choisir. En revanche, vous pouvez quand même nous commenter en direct sur le Facebook, la Red Arc du Sport. Et puis également, nous appeler, si vous préférez, au standard 02 38 434 800. Voilà, pour intervenir en direct sur l'actualité. Voilà le programme donc de ce soir. On démarre donc un premier titre, une première pause. Et on va revenir juste après pour attaquer très vite ce programme. On va démarrer avec quoi, parce qu'évidemment il va falloir essayer de piocher un petit peu dans les sons qu'on a ici, mais on va pas mettre on va essayer de trouver quelque chose. Et puis je vous rappelle donc aussi les rendez-vous de la semaine. Donc on le disait tout à l'heure, l'équipe de France va démarrer la Ligue des Nations, qui va remettre son titre en jeu à partir de vendredi. Il y aura 4 matchs hein, cette semaine. On fera le point, mais il y aura beaucoup de matchs à suivre. C'est assez rare d'ailleurs d'avoir autant de matchs d'un coup, mais on aura pas mal de quoi faire cette semaine. Allez, on va écouter Bob Sinclair. On va écouter Bob Sinclair avec ce premier titre, son premier titre. Alors, est-ce que ça part? Oui, je crois que ça doit repartir en principe. Il est là, Bob Sinclair. Eh ben non, ce sera pas ce sera un autre titre. Ce sera World Hold On pour démarrer avec donc Bob Sinclair. Et après, ce titre, eh bien, on revient pour démarrer avec les directs également. À tout de suite, 20h42 sur Arc-en-Ciel. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is C'était donc Bob Sinclair instant, World Hold On, c'était le premier titre pour démarrer ce soir. Tout de suite, eh bien, c'est parti donc pour les premières actualités avec déjà pour démarrer, on en parle un instant, en MotoGP hier, le Grand Prix d'Italie qui a vu l'Italien justement chez lui, Francesco Bagnaia, s'imposer. Devant le français Fabio Quartararo, deuxième sur Yamaha. Alex Espargaro, l'espagnol, donc troisième. Et puis Juan Zarco qui termine juste derrière, quatrième. Au classement, eh bien, Fabio Quartararo conserve la tête. Pour peu, hein, il est 122 points. Derrière lui, c'est Alex Espargaro, 114 points. Il n'y a plus beaucoup d'écart. Bastianini, l'italien, troisième. Bagnaia, quatrième. Zarco, cinquième. Pour la suite de la saison, ce sera la Catalogne au programme. Ce sera dimanche pour le Grand Prix donc de Catalogne. En Formule 1, c'était le fameux Grand Prix de Monaco hier avec un Grand Prix particulier où il s'est passé aussi des choses, pas mal de choses. C'est Sergio Pérez qui en a profité sur Red Bull pour s'imposer devant Carlos Sainz, le premier pilote Ferrari, et puis Max Verstappen, là aussi une Red Bull sur le podium, troisième de ce Grand Prix de Monaco. Charles Leclerc, la déception pour lui qui était à domicile, qui termine quatrième, quasiment 3 secondes du leader. Les Français avec Pierre Gasly 11e et Esteban Ocon 12e à l'issue donc de ce Grand Prix. Au général, eh bien, c'est Max Verstappen qui reste en tête, 125 points, qui a repris de l'avance sur Charles Leclerc, qui est deuxième avec 116 points. Sergio Pérez n'est pas très loin, troisième avec 110 points. Donc voilà pour le classement général à l'issue de cette septième course de la saison. Le huitième Grand Prix, ce sera donc pas cette semaine, puisqu'on sera du côté de Bakou, en Azerbaïdjan, donc changement de continent. Donc toujours 15 jours de battement, donc le 12 juin pour Grand Prix donc d'Azerbaïdjan. Et puis une autre info concernant le rallye, champion du monde des rallyes, on en parlait la semaine dernière pour Sébastien Loeb. Sa prochaine destination pour le rallye, ce sera le rallye du Kenya. On en parlait que Sébastien Loeb allait refaire un autre rallye d'ici, enfin au moins un sur, voire peut-être plus dans cette saison, eh bien ce sera, il l'a choisi, c'est le rallye du Kenya. Et comme Sébastien Ogier d'ailleurs, hein, qui sera aussi de la partie. Donc sixième manche de championnat du monde. Ce sera, il sera au volant d'une Ford Puma avec sa copilote désormais Isabelle Galmiche. Donc au Kenya pour essayer de faire mieux qu'au Portugal où il avait dû abandonner il y a quelques semaines. En tout cas troisième rallye de la saison dans le cadre de son programme partiel, hein, qu'il a conclu avec M Sport. Donc voilà, et ce sera du 23 au 26 juin aux côtés de Sébastien Ogier, lui aussi qui avait d'ailleurs remporté le rallye l'an passé au Kenya, et donc il sera lui aux côtés qui sera au volant d'une Toyota Yaris. Voilà pour le programme de Sébastien Loeb qui continue encore une fois à piloter, hein. Il a pas terminé encore sa carrière et il sera aussi probablement encore au volant d'une des voitures du rallye dans le prochain rallye au mois de janvier. Voilà pour cette actualité donc automoto. Une dernière chose aussi, une autre chose aussi dont on parlera tout à l'heure lors de la page foot, c'est bien sûr la liste des 23 bleus pour l'Euro féminin qui arrive très vite maintenant pour cet Euro. Donc on parlera des filles qui seront du voyage pour cet Euro féminin avec des surprises. Et enfin des surprises, en tout cas des filles qu'on attendait peut-être et qu'on n'a pas vues. On en parlera tout à l'heure donc pour ces filles-là qui vont, on espère, faire un bel euro. Hein. On avait pris le plaisir à les suivre lors du dernier mondial. On espère que ça va bien se passer. Ce sera le début de l'euro pour l'équipe de France le 10 juin. Donc ça arrive très vite face à l'Italie. On aura le programme tout à l'heure de cet euro et de cette liste donc de Corinne Diacre. Mais tout de suite on enchaîne avec le handball avec donc on le disait tout à l'heure la suite de la Lidl, alors Lidl c'est plus la Lidl Star League désormais, la Liqui Moly Star League qui compte encore 4 journées, hein. La précédente journée c'était un déplacement compliqué, hein, pour Saran forcément à Paris qui s'en sort avec une défaite 40-33, c'est assez logique. Ce qui était important bien sûr de voir, c'était ce que Istres faisait dans le même temps. Istres qui se déplaçait à Nîmes qui a fait entre guillemets le travail pour Saran, 33-31 victoires, ce qui permet à Saran de rester à un point d'Istres qui est donc le premier relégable. La suite, eh bien c'est une grosse semaine qui attend Saran, qui va d'abord recevoir Saint-Raphaël mercredi. Saint-Raphaël 8e. Dans le même temps, Istres va recevoir Cesson-Rennes qui est 9e. C'est à peu près des adversaires équivalents en termes de classement, en tout cas. Ça, c'est donc mercredi. Et puis l'autre match important, ce sera pour Saran, ce sera samedi. Et une nouvelle réception, c'est important. Deux réceptions cette semaine, ça peut avoir son importance. Réception de Limoges cette fois-ci, qui est 13e, qui est juste devant. Donc là, ce serait vraiment primordial de gagner. Ce sera samedi à 20h. D'ailleurs pour ce match, je vais vous donner bien sûr le programme et les lieux surtout des rencontres pour pas vous donner de fausses mauvaises informations. On va vérifier ça. Mercredi donc c'est au Palais des Sports. Voilà, ça c'est important. Donc mercredi à 20h c'est le Palais des Sports pour recevoir Saint-Raphaël. Donc allez-y, hein, ils ont besoin de vous en tout cas. Et ce sera, on l'espère, une belle rencontre donc ce mercredi face à Saint-Raphaël, donc au Palais des Sports. Donc voilà, allez-y, c'est à partir de 20h. Il y a encore des places, hein, vous pouvez les prendre d'ailleurs directement sur le site de Saran Hand, pardon. Donc à 20h au Palais des Sports. Et pour l'autre rencontre, je vais essayer de vous trouver ça. Est-ce que ce sera encore au Palais des Sports? Je vais vous essayer de vous trouver ça. D'ici là, en tout cas, on va revérifier et savoir si c'est encore le Palais des Sports ou non. Je vous retrouve l'info pour tout à l'heure. En tout cas, ce sera, ça c'est sûr, face à Limoges. Et Istres jouera le lendemain dimanche. Qui connaîtra donc le résultat de sa rencontre, ça peut aussi être important, et qui, Istres, de son côté, se déplacera à Créteil, qui est dixième, voilà, qui est aussi un adversaire à portée d'Istres. Et puis la dernière journée, qui sera peut-être déterminante, décisive, Saran ira à Chambéry, qui est quatrième, pendant que Istres recevra Nancy. Et Istres aura l'occasion de recevoir en plus pour finir, qui est déjà relégué, qui est dernier. Pas encore relégué, mais voilà, ça paraît très compliqué pour Nancy, enfin, qui sera certainement peut-être relégué lors de cette dernière journée. Il y aura forcément moins d'enjeux pour eux. Voilà pourquoi il est important de faire une grosse semaine et d'essayer de gagner deux fois pour rester devant. Voilà le programme de Saran. Donc je vous redonne l'info. Donc pour demain, c'est sûr, c'est le Palais des Sports. Pour mercredi, pardon, le Palais des Sports pour Saint-Raphaël, et pour dimanche, pour samedi, pardon, je vous redis ce qu'il en est, savoir si c'est donc au Palais des Sports à nouveau ou si cette fois ce sera à Saran. Voilà, je vous retrouver ça et pour voilà vous dire ce qu'il en est. Les directs, ça va partir dans 5 minutes hein, pour Roland Garros, Marine Cilic, Daniil Medvedev, la fameuse night session qui démarre, ça s'échauffe, donc ça va partir dans quelques secondes. Et puis l'autre rencontre, c'est du basket, le dernier quart de finale, enfin en tout cas le match 3 de ce quart de finale entre Monaco et Strasbourg. Le gagnant se qualifie pour les demi-finales. C'est bien sûr la Betclic Elite. Strasbourg est toujours devant, bien installé d'ailleurs, 48-28. Et c'est la pause dans cette rencontre. Pour l'instant, Strasbourg fait le travail et pourrait se qualifier pour les demi-finales. Voilà, donc ces deux matchs-là, toujours en fil rouge, d'ici jusqu'à la fin. Enfin, pour le tennis, peut-être pas jusqu'à la fin de l'émission, ce sera peut-être pas fini. Mais en tout cas, pour le basket, on ira au bout. Voilà pour le hand. Un dernier mot de la Diamond League, la Ligue de Diamants, donc qui se poursuit bien sûr avec ce week-end le meeting Eugene qui avait lieu avec un 100 mètres qui se courait avec notamment la victoire de Tyson Brummel qui s'est imposé avec un temps en 9,93. Fairclay américain, notre américain 9,98 au deuxième. Et puis Christian Coleman 10,04, troisième place. C'était donc le 100 mètres de ce meeting d'Eugene. Les autres, résultats sur le 100 mètres, c'est la Jamaïcaine Thompson qui s'est imposée en 10,79. Et sur le 200 mètres, c'est aussi une Jamaïcaine, c'est Fraser Price, bien sûr, Shelly Ann Fraser Price, qui est habituée des podiums et des victoires. 22,41 son temps sur ce 200 mètres. Et puis, il y avait également le concours de la perche chez les hommes, qui a vu une nouvelle fois, et sans qu'il y ait un moindre doute, la victoire d'Armand Duplantis, qui n'a pas atteint cette fois la barre à 6 mètres. Il s'est arrêté à 5,91. Ça lui a suffi largement pour s'imposer. C'est Nielsen, l'américain deuxième, en 5,81, à égalité avec Gunnarsson, norvégien, troisième. En revanche, René Lavinelli, malheureusement, septième et dernière place, avec seulement une barre en 5,41. Déception pour lui. Valentin Lavinelli, qui n'est même pas classé, puisqu'il n'a malheureusement pas passé la moindre barre. C'est malheureusement une petite déception. Mais bon. Voilà pour ces résultats du meeting Eugene. Donc en athlétisme, dimanche ce sera leur meeting de Rabat au programme de cette Diamond League. Voilà, donc pour la quatrième étape, c'est ça, de cette Ligue de Diamants. On va marquer une pause et on se retrouve après avec donc au programme pour la suite. Après donc l'athlé, on va revenir sur le basket, les playoffs en NBA et bien sûr en France. Ça va être assez rapide. Un petit mot de cyclisme pour la fin du Giro, du Tour d'Italie. Bien sûr le rugby, les finales de Coupe d'Europe, deux clubs français titrés, magnifique. Et puis après, en dernière partie, le tennis, Roland Garros, et bien sûr le foot. Voilà le programme pour cette prochaine heure. Tiens, un titre qu'on a passé il y a très longtemps, c'est Daxos, ça s'appelle Barbra Streisand. On écoute ce titre et on revient après ça pour la deuxième partie. Il est quasiment 21h, hein, dans une poignée de secondes. A tout de suite sur Arc-en-Ciel 96.2 pour la suite du programme. We'll be right back. C'était Duxos avec Barbra Streisand, c'était déjà il y a quelques années. Retour pour la suite. La suite, eh bien, c'est, je vous le disais à l'instant, du basket. C'est donc les playoffs hein, partout, ça y est. En commençant par la NBA, qui, ça y est, connaît son affiche de la finale NBA. Eh bien, ce sera donc entre les Golden State Warriors et les Celtics Boston. Puisque Boston s'est imposé hier lors du match 7, voilà, au bout du bout, face à Miami 100-96. Un match serré jusqu'au bout. Et finalement, 4 petits points qui permet donc à Boston de se qualifier pour la finale. Et en revanche, ça a été plus facile pour, les Golden State Warriors qui ont remporté la victoire 4-1 face à Dallas. Finale donc qui démarre avec une première rencontre pas tout de suite, hein, il va y avoir un petit moment de repos pour tout le monde avant d'attaquer ces finales, puisque la première rencontre se jouera dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sera à 3h du matin. Ensuite on aura une deuxième rencontre qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Là aussi 2h du matin, quasiment même horaire. Ensuite la nuit après ce sera la semaine prochaine hein, ce sera donc dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9. Et puis au moins un quatrième, ça c'est sûr, dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11. Voilà, ça c'est les 4 premières affiches. Et il y aura peut-être ou pas d'ailleurs d'autres affiches. Alors c'est assez rare en finale de voir un 4-0, mais pourquoi pas. En tout cas, il y aura déjà ces 4 premiers matchs à jouer. Voilà pour la NBA. Un coup de poing à suivre bien sûr sur Beansport. En Betclic Elite, on connaît pas encore la finale, on est au stade des demi-finales puisqu'on connaît une affiche. L'Asvel s'est qualifié en s'imposant face à Cholet 2-1. Voilà, il y a eu besoin du match d'appui d'ailleurs qui a été serré, 84-82 victoire de l'Asvel, qui était le premier qualifié, et qui affrontera Dijon, qui lui a eu moins d'efforts à fournir puisqu'il s'est imposé 2-0, donc face à Limoges un peu plus tôt. Donc Asvel-Dijon, c'est la première affiche de la demi-finale. L'autre affiche, on connaît déjà l'un des qualifiés, c'est Paula Cortez qui là aussi s'est imposé 2-0 face à Boulogne-Levallois, qui donc qui est qualifié. Et on attend le deuxième, on le rappelle, entre Monaco et Strasbourg. C'est en direct le match d'appui, le troisième match, pour connaître le dernier qualifié de ces demi-finales. Pour l'instant, Strasbourg est bien toujours un bel avantage, a toujours cette vingtaine de points d'avance qui pourrait suffire. 48-29. Et on a attaqué le troisième carton, c'est vrai qu'il y a quand même un bel écart. Après, on sait que le basket, ça va vite, mais là, c'est vrai que depuis le deuxième carton, il y a toujours ce petit delta, ce petit matelas d'avance pour Strasbourg. On verra. En tout cas, on va suivre jusqu'au bout cette rencontre. L'autre rencontre en direct qu'on suit, mais qu'on suivra pas jusqu'au bout, a priori, c'est, à moins que ça aille très vite, mais entre Marine Cilic et Dimitri Medvedev, c'est donc du tennis, bien sûr, Roland Garros. Dernier huitième du final. Pour l'instant, ça a démarré avec Marine Cilic au service. Et qui mène pour le moment 40-15. Voilà, donc pour l'instant ça démarre assez tranquillement. Mais voilà, a priori on verra pas on suivra pas la fin jusqu'au bout. C'est à suivre si vous le souhaitez cette rencontre sur Prime Video. Hein. Voilà, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec la page tennis. Voilà pour le basket. Donc voilà, c'est les playoffs. Donc c'est assez assez rapide, voilà, il y a pour le moment uniquement cette actualité là. Et tiens, chez les femmes, là aussi c'est les playoffs dans la ligue féminine, et on attaque la finale, hein, la finale des femmes, c'est entre Bourges et l'Asvel, voilà, les deux équipes qui sont qualifiées pour la finale là, qui se joue aussi comme d'ailleurs chez les garçons au meilleur des 5 matchs, hein. Donc, là, il faudra au moins gagner 3 matchs pour s'imposer. Voilà, c'est la particularité aussi chez les garçons où il y a donc 2 matchs 3 matchs à gagner, donc le meilleur des 5 matchs. Donc la première le premier match, eh bien, il a été remporté par Bourges 76-66. Demain, le match 2. Samedi, le match 3, voire plus si besoin. Voilà, donc là aussi, chez les femmes, on est également au stade de la finale de ces playoffs. Voilà pour le basket, assez rapide, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément d'actualité. Un mot rapide de cyclisme avec le Giro qui s'est terminé, ça y est, donc hier, ce week-end, avec la victoire pour, c'est son premier grand tour pour Jay Hindley, l'Australien, qui a remporté ce Giro devant Carapaz, le Colombien, et puis devant un Espagnol, Michael Landa, qui a pris la troisième place. Pour info, donc 1 minute 18 d'avance sur le deuxième, et puis 3:24 sur le troisième, et puis beaucoup plus sur le quatrième, qui est Vincenzo Nibali, l'Italien, qu'on connaît bien sur le Tour de France, qui lui a terminé quasiment à 10 minutes. Le premier Français, il est 14e, c'est Guillaume Martin, qui termine à quasiment 30 minutes de retard sur le leader. Voilà, c'est donc le Giro 2022. Et puis là, les autres prochains grands rendez-vous cyclisme à venir. Je regarde ce qui arrive dans les prochaines semaines, prochains mois. Il n'y aura pas de grands championnats. Il y aura les championnats de France qui auront lieu à la fin du mois de juin. Championnat de France et championnat de France contre la montre fin juin. Et puis après, bah, évidemment, ce sera le Tour de France qui démarrera le 1er juillet. Mais d'ici là, voilà, simplement, les championnats de France qui seront un petit peu la mise en bouche, la préparation pour le Tour de France. Voilà, ce sera les championnats de France 23, 25 et 26 juin. Un attaqué bien sûr le Tour qui démarrera le 1er juillet hein, pour se terminer le 24. Voilà, tout le mois de juillet, ce sera le Tour de France. Voilà pour ce petit mot de cyclisme. Rugby, on a vécu de belles émotions ce week-end avec deux clubs français. Donc vainqueur de leur Coupe d'Europe, avec d'abord la Challenge Cup, où là on avait forcément un Français qui devait gagner puisque c'est Lyon qui a affronté Toulon dans cette finale. Victoire de Lyon 30-12, qui a remporté ce challenge européen. Voilà, plus rap, voilà, qui était plus un petit peu plus appliqué et qui dans le même temps se qualifie en plus pour la Champions Cup, hein, Lyon. Ça c'était aussi la récompense de cette victoire dans cette Challenge Cup. Et puis dans la grande compétition, dans la grande coupe, la Champions Cup. Et c'était une finale entre le Leinster et La Rochelle. C'était au stade Vélodrome en plus. Quel beau stade pour accueillir cette finale. Et La Rochelle qui a fait créé l'exploit, puisque le Leinster était également le ultra favori. Hein. Pas d'essai côté Leinster. 7 pénalités. Toutes par Jonathan Sexton, hormis une dernière par Brian, mais sinon c'était tout pour Sexton, l'Irlandais. Et puis La Rochelle, quand même, 3 essais, 10e, 61e, et mais surtout à la 79e, c'est là l'essai de Retière dans la dernière action, hein, il faut bien le dire, dans la dernière minute, qui est venu tendre son bras pour aplatir sur la ligne, vraiment dans la dernière minute. Et derrière, c'était déjà quasiment terminé, mais il restait une minute à tenir pour transformer. Et on a été au bout. On a été au bout de 7 minutes pour transformer. Et transformer à la 80e, pile poil sur la sirène, pour s'imposer. Et voilà, La Rochelle qui a complètement renversé Leinster et qui remporte pour la première fois cette Coupe d'Europe. Et c'est vrai que pour Leinster, bah, c'est une grosse, grosse déception, puisque ils étaient favoris, puis ils avaient le match en main, et finalement sur la dernière action ils s'inclinent. Une grosse déception, et on a vu des messages très marqués lors des interviews et des conférences d'après-match. Mais en tout cas, c'est un super titre pour La Rochelle, qui devient le 4e club français à remporter cette Coupe d'Europe après le Stade Toulousain, qui est le recordman dans la matière avec 5 titres. D'ailleurs, le Leinster pouvait égaler Toulouse en cas de succès. Brive et puis Toulon aussi qui ont remporté cette compétition. La Rochelle, donc 4e et première fois pour eux. Grand bravo à ces joueurs qui nous ont offert de belles émotions. C'était donc samedi, hein, en fin d'après-midi, C'était quand même un super week-end de sport avec La Rochelle en finale, avec la Ligue des Champions ensuite samedi soir, et puis avec Roland Garros hier, notamment avec Nadal. Enfin, c'était vraiment un gros week-end de sport. Voilà pour le rugby, donc qui ainsi se clôture cette Coupe d'Europe. Mais c'est pas pour le coup terminé pour le rugby, puisqu'il est maintenant en place au play-off. Alors pas tout de suite, puisqu'il restera une journée avant cela, mais les play-offs vont s'enchaîner. Dimanche, dernière journée du championnat. Donc tous les matchs à 21h. À commencer par Perpignan Bordeaux Bègles. Alors pour dans cette rencontre, il y a très peu d'enjeux pour Bordeaux, hein, qui on le sait finira alors ou premier ou deuxième ou troisième. Alors il y a une importance quand même pour les playoffs. Et pour Perpignan, bah, il faudra absolument gagner pour espérer se maintenir. Voilà les enjeux pour eux. Clermont-Montpellier. Clermont ne peut pas encore se qualifier, mais il faudrait vraiment un concours de circonstances, parce qu'il est 9e, qui a 4 points de retard sur Toulouse. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà remporter avec le bonus offensif et espérer que devant, tout le monde ne gagne pas. Donc ça fait quand même beaucoup de paramètres. Et pour Montpellier, bah, la première place, ce sera l'enjeu, hein, évidemment. Lyon-La Rochelle. Même chose, Lyon peut se qualifier, mais c'est assez complexe puisqu'ils sont 8e. Pour eux, de toute façon, à part les playoffs, bah, la Champions Cup est déjà en poche pour la saison prochaine après sa victoire dans le challenge européen. Et pour La Rochelle, qui vient de s'imposer, bah, il faudra quand même marquer des points pour essayer de rester dans les 6. Bon, ils sont 4e, mais attention à ne pas faire n'importe quoi. Il restait bien dans ses... Alors pour le podium, c'est fini, hein. Mais il y a quand même la possibilité de rester quatrième, ce qui serait plutôt intéressant pour la suite. Le Stade français reçoit Brio aussi. Stade français, bah, il n'y a plus rien à jouer, hein, pour le Stade français qui est maintenu, mais qui est trop loin pour l'Europe, pour les playoffs, qui est beaucoup trop loin. Donc face à Brive, qui joue quand même son maintien, même s'ils ont 3 points d'avance sur Perpignan, premier relégal. Il faudra quand même essayer de prendre au moins un point de bonus défensif. Il y aura également Pau qui recevra Castres. Pour Pau, même chose, il n'y a plus d'enjeu pour Castres. Et bien troisième, l'enjeu c'est de pourquoi pas faire mieux, d'aller chercher la deuxième ou même la première place. Le Racing recevra Toulon. Voilà, donc le Racing pour l'instant est dans les qualifiés, mais peut-être plus pour longtemps, face à Toulon qui est 7e et qui lui veut être qualifié pour les playoffs. Donc en cas de succès, Toulon passerait devant le Racing et peut-être se qualifierait. Ça, c'est l'un des matchs en jeu. Et puis Toulouse Biarritz, pour finir, pour Toulouse, bah, ils sont 6e, donc il faut gagner pour rester dans ces playoffs. Pierre Biarritz, c'est déjà fini depuis longtemps, déjà relégué. Bon, y a quand même pas mal de matchs où il y a encore de l'enjeu. Donc ce sera à suivre dimanche à 21h, c'est sûr, bien sûr, Canal, le multiplex de cette dernière journée de Top 14, et puis ensuite bah, le début donc des playoffs. On vous rappellera le format. Voilà pour le rugby. Eh bien, évoquons maintenant notre page tennis. Ça y est, tennis donc avec Roland Garros, c'était les 8e de finale. Donc hier, aujourd'hui, un petit mot avant sur le match en direct. Marine Cilic, Daniil Medvedev, pas de break pour l'instant, 2-1. Service à suivre pour le Russe. Hier et aujourd'hui, donc, place au 8e de finale. On connaît déjà chez les femmes tous les qualifiés donc pour ces quarts de finale. Quarts de finale, donc, la numéro 1... Swiatek qui sera au quart de finale après sa victoire tout à l'heure face à la chinoise Zheng avec un premier set d'ailleurs perdu au tie-break, et puis ensuite elle a déroulé et a montré qu'elle était bien la patronne du circuit, 6-0, 6-2 ensuite. Donc elle se qualifiant, elle affrontera Pegula l'américaine au prochain tour. Ensuite on a deux Russes qui s'affronteront en quart de finale. Donc dans ce deuxième quart de finale de la semaine, ce sera Kournemetova qui a battu Madison Keys, qui affrontera Kazatkina qui est les têtes de série numéro 20, qui a sorti tout à l'heure, ce matin, l'Italienne, pardon, Giorgi, voilà, qui a perdu en deux manches. Le troisième quart de finale, qui est l'une des joueuses non tête de série, Trevisan, l'Italienne, qui affrontera Fernandez, la Canadienne. Et puis enfin, la dernière rencontre, ce sera deux Américaines. Il est attendu ce duel entre donc la première Américaine, Cori Gaudt, qui a battu Mertens en deux manches sèches, et qui affrontera donc Sloane Stephens. Là aussi, l'Américaine très très forte en ce moment, qui avait d'ailleurs battu, qui avait sorti Alizé Cornet, hein, dans ses premiers tours, qui a battu l'Américaine, la Suissesse Teichmann, 6-0-6. Donc en tout cas, il est attendu ce duel, Gaudt face à Stephens, ce sera demain, je vous donnerai le programme juste après d'ailleurs, mais avant ça, donc chez les hommes, eh bien, d'abord c'était hier avec Novak Djokovic qui a déroulé forcément face à Schwartzman en 3 manches, 6-1, 6-3, 6-3. Il n'a pas eu beaucoup de mal à se défaire de l'Argentin. Il affrontera donc Rafa Nadal en quart de finale demain. Nadal, lui, qui a eu un match énorme à suivre, si vous l'avez suivi, ce match qui a démarré tôt, dans le milieu de l'après-midi, qui s'est fini assez tard. Plus de 4 heures de match. Et c'est l'Espagnol qui s'en sort encore. Il revient de très loin, puisqu'il était né 2-1. Il s'est arraché dans ce cinquième set pour s'imposer au terme d'un match fabuleux et encore un niveau de jeu incroyable dans ce cinquième set. Abhishek Aliassime qui a été vraiment incroyable dans certains points et manquait pas grand chose. Mais voilà, la régularité et peut-être l'expérience dans le cinquième set aura fait la différence pour l'Espagnol qui, ça y est, aura sa revanche face à Novak Djokovic, cette fois-ci au stade des quarts de finale. Et on l'a appris donc un peu plus tôt dans l'après-midi, ce sera demain. Et non pas dans l'après-midi comme on pouvait l'espérer, mais ce sera cette fameuse night session, session de nuit, qui change pas mal de choses. Alors, la première chose, c'est que ce sera non pas sur France Télévisions, mais sur Prime Video. Alors, on redoutait pour les non-abonnés. Heureusement, il sera accessible gratuitement quand même, son premier vidéo, sur l'application. En tout cas, il faudra se débrouiller pour avoir l'application déjà. Mais en tout cas, il n'y aura pas d'abonnement à avoir. C'est plutôt la bonne nouvelle quand même, malgré tout. Mais qui ne facilite pas non plus l'accès, hein, malgré tout. Parce que sur les chaînes de services publics, on aurait eu un peu plus de visibilité quand même, malgré tout. Mais en tout cas, l'autre information, c'est que, évidemment, pour la terre battue, ce sera pas les mêmes conditions. Et on le sait, Rafa Nadal avait annoncé un petit peu avant la décision, préférer jouer la journée plutôt que la nuit, puisque, évidemment, la surface est différente. La nuit, c'est vrai que ça peut être un élément à prendre en compte, hein, puisque quand la nuit arrive, eh bien, c'est vrai que la terre battue est plus humide et la Belgique l'a un petit peu moins bien de la raquette de l'Espagnol. C'est vrai que ça peut aussi faire ça peut faire une différence. Voilà, donc en tout cas, ce sera demain à 20h45, à partir de 20h45 pour cette finale avant l'heure entre donc le Serbe et l'Espagnol. On a hâte en tout cas d'y être et de voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que l'Espagnol va être bien remis? C'est vrai qu'il y a eu un combat physique. On le verra. En tout cas pour Djoko, lui il arrive plutôt reposé avec pour l'instant quatre petits tours, assez rapides donc pour le moment. On le verra donc demain. L'autre quart de finale ensuite, ce sera l'Allemand, pardon, Alexander Zverev qui a battu un Espagnol, Zapata Mirales. Ça a été moins simple que le score n'y paraît, 7-6, 7-5, 6-3, puisque d'abord Zapata Mirales avait pas mal de balles de 7 dans le tie-break, qui a été très long, je crois 13 à 11. Et il avait aussi le break d'avance dans la deuxième manche, mais finalement Zverev s'en est sorti en 3 manches et se qualifie finalement sans trop forcer. L'autre adversaire de l'adversaire de SDRF, ce sera Alcaraz, Carlos Alcaraz, la sensation espagnole qui sera bien au rendez-vous du quart de finale. Il a eu aucun mal à se défaire hier soir de Karen Khachanov en 3-7, 1-6-4, 6-4. Beau duel donc entre Zverev et Alcaraz. Là, ce sera également demain, mais à 15h. Voilà, donc 15h d'abord ça, et puis ensuite Djoko, Nadal ensuite. L'autre quart de finale entre deux jeunes talents. Le premier, c'est Casper Ruud, qu'on découvre depuis déjà quelques mois. Casper Ruud, qui donc s'est imposé face à Hubert Hurkacz. C'était tout à l'heure, 6-2, 6-3, 3-6, 6-3. Ça, c'est donc Casper Ruud, le Norvégien. Et puis l'autre joueur qu'on découvre un peu plus récemment, c'est Rune, le Danois, qui lui a fait la sensation de la journée, par contre, puisqu'il a sorti en huitième de finale, donc, Stefanos Tsitsipas, le Grec, qui était finaliste l'an passé, hein, on s'en souvient, face à Djokovic, il avait d'ailleurs mené 2-0. Et grosse sensation, donc pour son premier Roland Garros, qui plus est, il a donc sorti le finaliste l'an passé, en 4 manches, 7-5, 3-6, 6-3, 6-4. Voilà, donc c'est une sensation. En tout cas, et cette affiche promet entre deux jeunes talents, Casper Ruud et le Danois Rune. Et ce sera donc cette fois-ci mercredi. Cette rencontre, voilà, peut-être l'après-midi, peut-être en soirée, ça va dépendre de la programmation. Et l'autre quart de finale qui aura lieu aussi mercredi, ce sera celui entre Rublev, donc qualifié après l'abandon de Jannik Sinner tout à l'heure, hein, l'Italien. Alors que Rublev, alors qu'il y avait un partout et que Rublev avait breaké dans la troisième manche, abandonné l'abandon de Jannik Sinner malheureusement à cause de cette douleur au genou gauche. Voilà, c'est malheureux, mais c'est un forfait pour lui. Et donc Rublev qui attend son adversaire, donc Usilic ou Medvedev, c'est en direct. Pour l'instant, 3-2, 4-2. Sej qui est bien break à l'instant. Voilà, premier break de la partie, 4-2 pour Cilic qui a fait le premier break de la partie. Et donc ce match là ce sera mercredi, mais voilà, est-ce que ce sera en après-midi ou en soirée, on le verra. En tout cas, donc le programme de demain, il est alléchant, hein. On a 15h, donc Zverev Alcaraz, ça ce sera pour les hommes. On aura non, d'abord on aura les femmes, donc ce sera d'abord à midi, à partir de midi demain, pour les simples. Il y aura du double matin, mais en tout cas en simple ce sera à partir de midi. Donc l'italienne Trevisan face à la canadienne Fernandez, 13h, enfin, juste dans la foulée, le duel américain Goff face à Stephens. Et puis donc ensuite 15h Alcaraz Zverev et 20h45 en Intuition Djokovic Nadal. Voilà le beau programme qui nous attend demain. Voilà pour les simples. Un mot des doubles. Un mot des doubles que je vous donne si je retrouve. Puisque on a quand même deux Françaises qui sont encore engagées en piste en quart de finale. C'est la paire Garcia Mladenovic qui est qualifiée pour les quarts de finale. Puisqu'elles ont sorti en 3-7 hier, elles sont qualifiées donc pour les quarts de finale, voilà, les Françaises, et qui affronteront Père Xu Yang. Ce sera demain également midi, hein. Voilà, pour une passe en demi-finale, on espère, les Françaises qui se plaisent bien ensemble, qui se sont remis d'ailleurs ensemble depuis, ça faisait un petit moment, et on a hâte de voir si ça peut encore aller plus loin dans donc cette partie. Voilà les Françaises donc que l'on attend. Voilà le programme donc de tennis demain, en tout cas un beau programme. On suit toujours donc Cilic et Medvedev. Cilic qui pour l'instant vient de faire le premier break, 4-2 dans cette première manche. Une pause et puis ensuite on terminera avec le foot. On terminera un peu plus tôt ce soir, hein, puisqu'il y a évidemment moins d'actualité, puisque tout s'est terminé. Mais on va finir dans la prochaine demi-heure la partie foot, en suivant toujours nos directs. D'ailleurs, l'autre direct C'est donc entre Monaco et l'ASVEL pour et Strasbourg pardon. Betclic-Elite, ça a bougé, bien bougé, puisque Monaco est bien revenu. 53-42 pour Strasbourg toujours. Il y a 11 points, ça va un peu mieux pour Monaco qui peut peut-être faire la remontada pour recoller et faire attaquer un cinquième set, un quatrième cadran pardon. Pourquoi pas en étant revenu. On verra. En tout cas, c'est on suit encore la suite jusqu'à la fin de l'émission. Une pause donc et on revient donc juste après pour la dernière partie avec le foot bien sûr. On écoute tout de suite Gala, c'est Freed from Desire. Et après cela, on revient pour la dernière partie. 21h29 sur Arc-en-Ciel. On se retrouve juste après pour la dernière partie. À tout de suite. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. C'est Fate from Desire, c'était pour ce troisième titre de la soirée. Et tout de suite, donc on revient pour la dernière partie. Le foot, mais juste avant le foot, un petit info volé où l'équipe de France ça y a fait son retour à la compétition, premier match international de la saison. L'équipe de France qui a affronté les Pays-Bas et qui c'était vendredi soir et qui n'a eu aucun mal à se défaire de cette équipe hollandaise, victoire 3-0. C'était vendredi donc Poitiers en cadre de la préparation à la Ligue des Nations. Donc dans une nouvelle arena d'ailleurs du Futuroscope à Poitiers, 5200 spectateurs. Donc c'était la rentrée donc de cette équipe de France qui retrouve la compétition, ça y est, ça fait plaisir de retrouver cette équipe de France donc dans cette première rencontre. En préparation, puisque la Ligue des Nations, donc ça existe au foot, mais ça existe aussi au volley. La Ligue des Nations qui va démarrer donc cette semaine. C'est ça, ce week-end même, avec donc pour l'équipe de France un déplacement. C'est par étape hein, cette Ligue des Nations. Cette première étape qui va emmener les différentes nations au Canada, tout précisément à Ottawa. Ce sera donc demain, ils s'envoleront pour Ottawa et pour attaquer cette première étape, donc du 8 au 12 juin. Voilà, donc le programme démarrera donc le 9 juin pour l'équipe de France avec une rencontre face à l'Italie. Donc semaine prochaine, hein, toujours très compliqué de jouer ces Italiens. Donc d'abord cette rencontre face à l'Italie, ensuite il y aura un match face au Canada face aux l'équipe au pays hôte et enfin la Pologne, là où ce sera nettement plus relevé. Ce sera la première partie de cette première étape. Ensuite il y aura une nouvelle étape. Il y aura la Chine, les Pays-Bas et le Japon au programme. Et ensuite, il y aura une nouvelle étape encore au mois de juillet, où là, il y aura du très lourd. Il y aura les États-Unis, notamment, il y aura le Brésil. Voilà, donc les États-Unis, Brésil, plusieurs fois champion du monde ou champion olympique. Donc, c'est du très très lourd. Il y aura d'ailleurs donc États-Unis et Brésil. Il y aura Argentine également. Et là aussi, qu'on connaît, qu'on a beaucoup vu aux Jeux Olympiques, hein, ça avait été très chaud. Et l'Australie, enfin, pour finir, donc dans la troisième étape. Et ensuite, pour les si c'est dans les 8 premiers, ce sera une qualification pour les quarts de finale. Voilà un petit peu le programme des meilleurs français qui font leur retour donc sur cette internationale. Le foot donc. Et on va démarrer avec une info qui concerne l'équipe U17 de l'équipe de France, qui est bien qualifiée pour la finale de l'Euro U17. C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu beaucoup parler. Quand c'est chez les jeunes, on entend moins parler. Mais l'équipe de France est qualifiée pour la finale de cette Euro U17 qui la verra s'opposer aux Pays-Bas. Et qui sera donc il y a l'Euro qui a lieu en Israël en ce moment. Et donc la diffusion sera d'ailleurs confiée à l'équipe TV, à la chaîne L'Équipe, donc qui va diffuser donc c'est mercredi à 18h qui diffusera cette affiche. Plutôt une bonne nouvelle pour cette équipe de France. Donc le parcours de cette équipe de France U17 qui a battu tous ses adversaires au premier tour, hein, Pologne 6-1, Bulgarie 4-0, les Pays-Bas 3-1, défaite face aux Pays-Bas 3-1, mais une qualification en quart de finale où ils ont sorti l'Allemagne au tir au but. Et puis en demi-finale, une qualification aussi au but également face au Portugal. Ça a été que des tirs au but. Et d'ailleurs pour les Pays-Bas, là aussi c'était une qualification face à la Serbie au tir au but. Donc c'était toute une histoire de tirs au but dans ces demi-finales. Mais on espère que ce sera la bonne pour les Bleus. Donc dans cette finale, donc retransmise sur l'équipe TV, sur la chaîne L'Équipe. Donc mercredi à 18h. Qui disputeront une septième finale européenne avec 96, 2001, 2002, 2004 où il y avait eu un titre, 2008, 2015, là aussi deux fois vainqueur, et à quête d'un troisième sacre. On le verra donc. En tout cas, ce sera mercredi 20h sur la chaîne L'Équipe. Voilà, notez bien ce rendez-vous. Voilà pour démarrer donc la page foot avec ça. Un petit mot de tennis, parce que ça a été très vite cette fin de premier set où Marin Cilic a créé une petite sensation. Il a remporté la première manche 6 jeux à 2. Voilà, il a d'ailleurs refait un break. Hein. Donc voilà, ça a bien démarré pour lui. Et là, il a remporté son premier jeu de service assez facilement pour mener donc un 7-0 et un jeu 0 pour l'instant. L'autre match que l'on suit, c'est le basket Monaco-Strasbourg. Strasbourg mène toujours 63-52 sur ses petits 11 points d'avance. Et on est dans le dernier carton. Pour l'instant, ça tient pour eux. Donc sur la suite, donc foot, on va commencer, on va parler d'une petite page féminin, puisque d'ailleurs on va parler de l'Euro juste après, mais un petit mot puisque il reste malgré tout une journée, mais c'est l'Olympique Lyonnais qui a remporté, qui est une nouvelle fois championne de France après sa victoire 1-0 face au Paris Saint-Germain hier. Qui récupère son titre puisqu'il avait perdu, l'an passé face à Paris, et il l'a de nouveau gagné, cette fois en plus en battant Paris dans ces matchs crucial 1-0. Donc ça suffit pour remporter son 15e titre de champion de France, et qui donc réalisait doublé après la Ligue des Champions il y a quelques jours. Donc une belle saison pour les Lyonnaises, donc ils ne peuvent plus être rejoints par les Parisiennes. Il reste un match mercredi pour tout le monde à la même heure, mais en tout cas le classement est joué pour les trois premières, en tout cas, où ça ne bougera plus, et pour le bas de tableau également. L'équipe de France donc qui va démarrer l'Euro dans quelques jours. Les principales informations concernant la liste de Corinne Diacre, donc c'est la sélectionneuse qui a dévoilé aujourd'hui sa liste de 23 joueuses. Donc l'Euro qui se déroulera du 6 au 31 juillet. Donc sans surprise, les Lyonnaises Amandine Henry et Eugénie Le Sommer n'y figurent pas. C'était la question que vous pouvez se poser avec Amandine Henry et Eugénie Le Sommer, qu'on a vu à de nombreuses reprises dans l'équipe de France. Et ben elles sont pas présentes. Et Keira Amraoui, pardon, n'y sera pas non plus. Donc voilà les premières informations. Amandine Henry, hein, qui est en grande forme depuis plusieurs mois, et ben elle n'est plus avec les Bleus depuis 2020 déjà. On s'en souvient avec un différent avec Corinne Diacre. Et Eugénie Le Sommer, elle aussi, qui est un petit peu en froid avec elle depuis plusieurs mois, n'a pas été retenue non plus. Et puis Keira Amraoui traverse une période compliquée avec le Paris Saint-Germain. Et bien ne sera pas non plus sélectionnée. Voilà. Marie-Antoinette Katoto sera bien sûr, notamment. Voilà, et puis donc une liste de 23 joueuses que l'on retrouvera pour 7 euros. Donc l'euro, je vous rappelle, donc on le disait, première rencontre, donc ce sera pas tout de suite, hein, il y aura quand même un petit peu de temps avant de démarrer. Mais pour la équipe de France, c'est le 10 juillet, première journée de cette compétition. C'est vrai que c'est un petit peu plus tard que les garçons plutôt juin-juillet, là c'est vraiment début juillet, enfin même presque mi-juillet, 10 juillet pour démarrer. Cette première journée, donc il y aura l'Italie, ensuite il y aura la Belgique et l'Islande. Voilà pour lancer cette Euro pour cette équipe de France, donc du 6 au 31 juillet, le début, donc le programme de cette équipe de France. Voilà pour ça, puis il y aura des matchs de préparation bien sûr en amont de cette compétition que l'on suivra. Voilà pour le foot féminin. Revenons avec les garçons, où il y avait des choses à suivre, notamment avec des champions. Bien sûr, on va en parler aussi. On va même commencer avec les champions. Avec cette finale au Stade de France, qui a été compliquée, avec d'abord un coup d'envoi qui était retardé de plus de 30 minutes. puisqu'il y avait pas mal de soucis avec les supporters, notamment de Liverpool, qui n'ont pas pu accéder au stade. Et l'UEFA a d'ailleurs annoncé ce soir ouvrir une enquête indépendante sur ce qui s'est passé au niveau de la sécurité du stade. Vous m'avez bien entendu, certains supporters qui n'avaient pas de billets sont rentrés, et puis à l'inverse, ceux qui avaient des billets n'ont pas pu rentrer, ou beaucoup plus tard après le début de la rencontre. Évidemment, ça a fait beaucoup parler, en tout cas une rencontre qui a été un peu fermée, comme on pouvait s'y attendre, entre Liverpool et le Real. Et le Real qui, avec un tout petit but, suffit, Vinicius Junior, pour remporter une nouvelle Ligue des Champions. En tout cas, ça a été une grosse campagne européenne pour eux. Et le Real qui remporte sa 14e Ligue des Champions de son histoire. Notamment un Courtois étincelant quand même, qui a été auteur de 9 arrêts très cruciaux et décisifs. Et pour Carlo Ancelotti, lui, c'est quand même le premier entraîneur à remporter 4 titres des champions. 2 avec le Milan et puis 2 avec le Real. Voilà, c'est un grand monsieur là aussi. Tout comme on le disait la fois passée avec notamment également un des grands entraîneurs qui avait remporté il y a quelques jours avec la Roma le titre de la Conference League, José Mourinho, qui avait aussi remporté le premier à remporter les 3 compétitions. Voilà, c'est les grands entraîneurs, hein, Ancelotti, Mourinho et Ancelotti, donc premier à remporter 4 Ligues des Champions. Donc le Real, voilà, encore une fois, et une victoire en finale, 14e Ligue des Champions, incroyable. Et pour Karim Benzema, maintenant la question se pose du Ballon d'Or. Est-ce que il est plus que jamais légitime pour remporter? Alors on sait que ça a changé en plus, puisque désormais c'est dans la saison que comptera ce Ballon d'Or et plus dans l'année civile, ce qui est plus logique. Que c'est vrai que ce qui va se passer maintenant avec l'équipe de France en Ligue des Nations et en Coupe du Monde n'aura aucune incidence. Donc voilà, il a marqué de gros points en tout cas en remportant cette Ligue des Champions, en étant l'un des grands artisans des qualifications jusqu'au final, même s'il n'a pas marqué en finale. C'est lui qui a emmené cette équipe en finale plus que jamais. Donc en tout cas, victoire du Real, et on attend maintenant cette prochaine compétition avec impatience. Autre événement qui se déroulait ce week-end, c'était les barrages d'accession. Barrage d'accession, on va commencer avec la Ligue 2, où Quevilly-Rouen est parvenu à se maintenir en Ligue 2 en s'imposant 2 fois face à Villefranche-Beaujolais, donc il n'y a pas eu de débat, 3-1 et 2-0, donc Quevilly-Rouen restera en Ligue 2. Puis Villefranche-Beaujolais qui va devoir là aussi rebatailler une saison pour retenter sa chance en national. Et puis dans l'autre barrage, qui était le barrage Ligue 1 Ligue 2, qu'on attendait avec beaucoup d'intention, entre Auxerre et Saint-Etienne, il y avait eu un partout en milieu de semaine. D'abord où Saint-Etienne avait ouvert le score avec l'égalisation de Gaëtan Perrin en fin de rencontre. Et puis on attendait ce match retour au Chaudron avec attention. Et Auxerre s'est donc donné le droit de revenir en Ligue 1 après une victoire au tir au but. D'abord l'ouverture du score ouverture du score de Saki à la 51e, puis Camara qui va égaliser pour Saint-Etienne avant une inévitable séance de tir au but où seul Riyad Boudbouz a manqué son premier tir, et cela a suffi ensuite pour s'imposer, et Auxerre retrouvera l'élite après 10 ans donc passé en Ligue 2. Pour Saint-Etienne, c'est vraiment une grosse déception, évidemment, avec une fin de match chaotique puisque les supporters stéphanois ont envahi le terrain et balancé pas mal de choses, et ça a fait une fin de match chaotique où tout le monde est rentré au vestiaire sans pouvoir profiter de cette victoire, en tout cas pour les Auxerrois, qui on est ravis de les retrouver quand même en Ligue 1 l'année prochaine. Pour Saint-Etienne, il va falloir travailler fort pour essayer de revenir rapidement. En tout cas, évidemment, les incidents qui sont déroulés à la suite de cette rencontre pourraient commencer cette saison, les Saint-Etienne, avec un retrait de points déjà en Ligue 2, puisque la commission discipline, évidemment, de la Ligue de football va statuer, donc ce sera le 23 juin, sur les incidents déclenchés à la fin de cette rencontre. Saint-Etienne pourrait pourquoi pas désormais commencer la saison prochaine avec un retrait de points. Ce sera déjà une très mauvaise nouvelle pour les Stéphanois. On le verra en tout cas. Et voilà, cette rencontre qui clôturait cette saison de Ligue 1, de Ligue 2, de National. Voilà, tous ces sports sont terminés. Voilà, maintenant les vacances pour tout le monde et puis reprise un petit peu plus tard au courant juillet pour attaquer même fin juin déjà pour attaquer les saisons et les entraînements. Et puis place aussi maintenant à la période de recrutement qui va pas tarder à arriver. Voilà pour cette page foot, on a essayé d'être assez complet. On va donner le programme de la semaine. Avant cela, ça se resserre hein, dans la rencontre entre Monaco et Strasbourg, 65-59 désormais, plus que 6 points d'avance pour Strasbourg. Voilà, ça va se resserrer. Hein. Est-ce que Monaco va être capable de revenir? On le disait tout à l'heure, ça avait bougé. Voilà, c'est encore plus serré. Il reste 2 minutes et 7 secondes à jouer. Et donc toujours plus 6 pour Strasbourg. L'autre rencontre que l'on suit, c'est le tennis. Medvedev qui a pris le devant dans cette rencontre. 6 jeux à 2 dans la première manche, en moins d'une demi-heure. Pour l'instant, 2-2 dans la seconde manche. Pas de break pour l'instant. Mettre en avant. Cette semaine, donc, le programme. Côté foot, on le disait, c'est mercredi, c'est la finale de l'Euro U17. Voilà, France U17 qui est qualifiée pour la finale de l'Euro, qui affrontera les Pays-Bas en finale. Et ce sera mercredi à 18h. Ce sera sur la chaîne L'Équipe pour suivre cette rencontre en direct et en clair. Voilà pour donc ce premier. Ce sera le seul d'ailleurs événement pour cette semaine. Et puis commence aussi puisque l'équipe de France A s'est rassemblée aussi, va commencer aussi la Ligue des Nations assez rapidement. Avec alors déjà on aura, je vais vous redonner bien sûr le programme, on aura aussi la demi-finale de barrage pour l'Écosse et l'Ukraine qui n'avaient pas pu jouer. On s'en souvient son match de barrage puisque le match avait été reporté. Ça y est, le match va enfin avoir lieu. Et donc ce sera mercredi à 20h45, donc Écosse Ukraine, c'est la demi-finale de barrage. Et le vainqueur, donc ça c'est mercredi hein, qui arrive, et le vainqueur rejouera dès dimanche face au Pays de Galles, qui lui s'était qualifié en battant l'Autriche. Donc affrontera le Pays de Galles pour la dernière place qualificative au Mondial. Voilà, ça c'est donc mercredi à 20h45. Voilà. Et donc mercredi et à 18h aussi, ce sera d'abord la finale pour les U17 de l'équipe de France face aux Pays-Bas. Il y aura aussi Pologne-Pays de Galles qui se jouera dans le cadre de la Ligue des Nations à partir de mercredi. Jeudi, pas mal de matchs aussi. Hein. Ligue des Nations toujours. Il y aura Espagne-Portugal, belle affiche. Espagne-Portugal, République Tchèque-Suisse notamment. Voilà, puis après les matchs des autres ligues. Il y aura également un match pour l'équipe de France Espoir, qui est dans le cadre de sa campagne de qualification à l'Euro, affrontera la Serbie. Donc jeudi à 20h45, ouais, il y a pas mal de rencontres. L'équipe de France, on rappelle, est en tête de son groupe avec 19 points, qui devance l'Ukraine avec 13 points, mais qui a un match supplémentaire. Et en cas de victoire face à la Serbie, ça permettrait d'être bien bien installé en tête. Donc ça c'est jeudi 20h45. Et puis en même temps il y a Espagne-Portugal, ce qui est aussi assez sympa. Voilà pour jeudi. Vendredi, bien sûr, c'est l'équipe de France qui rentre en piste face au Danemark. France-Danemark, 20h45, vendredi à suivre sur M6. Dans le même temps, dans l'autre match du groupe, c'est Croatie-Autriche. Voilà, parce qu'on rappelle, Danemark-Croatie-Autriche, ça compose ce groupe A. Enfin, ce groupe 1, plutôt. De la Ligue A. Il faut suivre. Hein. Donc, ce sera vendredi à 20h45. Il y aura aussi un beau Belgique-Pays-Bas. En même temps, 20h45, sur la chaîne L'Équipe. qui compose le groupe 4, hein, avec les Pays-Bas et la Pologne notamment, qui auront joué un petit peu plus tôt dans la semaine. Voilà, c'est les matchs principaux, hein, de vendredi. Samedi, alors, l'Italie-Allemagne, ça c'est à suivre aussi, match intéressant. 20h45, samedi sur la chaîne d'équipe, il y aura Hongrie-Angleterre un peu plus tôt, à 18h. Voilà, ça c'est les affiches de samedi. Et dimanche, donc on le disait, le barrage, la finale de barrage, donc Pays de Galles qui affrontera ou Écosse ou Ukraine, donc à 18h dimanche. Et puis il y aura donc Portugal-Suisse, ça aussi c'est intéressant, c'est donc à 20h45. Et puis République Tchèque-Espagne, qui est l'autre match du groupe. Voilà, ce sera aussi intéressant à suivre ces rencontres, donc dimanche. Voilà, puis après l'équipe de France s'enchaînera. Lundi, d'ailleurs, match qu'on suivra en partie ici, Croatie-France, donc à 20h45. Ce sera lundi prochain. Je vous donne un petit peu plus loin les matchs qu'il y a, parce que l'équipe de France qui va jouer beaucoup, hein, qui va jouer 4 matchs, hein, de Ligue des Nations. C'est vrai que là, on enchaîne beaucoup avant les vacances. Et voilà, avant de partir en vacances. Rappel, un seul absent, ce sera Paul Pogba, hein, qui est toujours blessé. Qui sera pas du rendez-vous, mais voilà, pour revenir donc sur les rencontres à venir. Et donc France-Danemark vendredi, Croatie-France lundi, le vendredi suivant le 10 Autriche-France, et le 13 juin, donc là ce sera en fait vendredi-lundi, et ce sera la Croatie pour finir le 13 juin. Voilà les affiches intéressantes à suivre cette semaine. Donc ça c'est pour le foot, uniquement du foot pour la semaine. Tennis, bien sûr, la deuxième et dernière semaine de Roland Garros. Demain, un duel intéressant déjà. On l'attend, ce Rafael Nadal Novak Djokovic. Donc, on rappelle, à 20h45 sur Prime Video, mais en clair, gratuitement. Donc, cette rencontre. Et puis, les autres quarts aussi dans la journée sur France Télé, hein, bien sûr, hommes et femmes. Voilà, pour finir cette quinzaine. Le rugby, c'est la dernière journée de Top 14, samedi soir, c'est ça, à 21h. Non, dimanche soir même, pardon, à 21h, pour terminer cette saison. Et puis après, ce sera place au play-off, bien sûr. Donc voilà. Et puis, autrement, dimanche aussi, puisque j'en parle toujours en rugby, le RCO jouera. Donc une partie de son avenir, son avenir pour la saison prochaine, pour le barrage d'accession pour la première division, la division 1, fédérale 1. Le RCO qui a remporté hier le match aller sur le tout petit score 30-29, c'était à Courbevoie à l'extérieur, et le RCO qui a la chance de recevoir donc au retour. Et ce sera dimanche à 15h. Il n'y a qu'un petit but d'avance, un petit point d'avance. Donc, il faudra gagner pour faire bien. Donc, dimanche à 15h, Stade Marcel Garcin, donc à monter. Donc, allez-y pour il y aura la finale de Roland aussi. Mais voilà, il faudra choisir pour peut-être vivre la montée du RCO en Fédéral 1. Donc, ce sera dimanche. Ça, c'est pour le rugby. Donc, c'est deux événements. Et puis également, il y a dimanche la finale pour la Pro D2, hein, pour la montée en première division. Donc Mont-de-Marsan face à Bayonne, les deux premiers du championnat. Alors là, je regarde rapidement le classement en Pro D2. Mont-de-Marsan a fini avec 106 points et Bayonne avec 100 points. C'est énorme les points que peuvent marquer en deuxième division. Donc c'est la finale Mont-de-Marsan-Bayonne, le vainqueur montera en première division en top 14. C'est bon pour le rugby donc cette semaine. Du basket avec les demi-finales de Battle Elite cette semaine, et avec le début de la finale de NBA aussi, hein, voilà, ce sera à partir de la nuit de mercredi à jeudi pour lancer cette première rencontre de la finale. De jeudi à vendredi, pardon, même. Donc les Warriors face à Celtics de Boston. Et puis en Battle Elite, ce sera aussi cette semaine les demi-finales, les premiers matchs de demi-finale. Voilà, c'est tout côté basket. Pas de Formule 1 puisque ce sera Azerbaïdjan dans 15 jours. Et par contre, MotoGP, oui, dimanche, Grand Prix de Catalogne à suivre. Donc dimanche sur Canal+. Un handball, deux rencontres importantes pour Saran. Mercredi, ce sera la réception au Palais des Sports de Saint-Raphaël à 20h. Allez-y, il y aura vraiment besoin. Et puis à nouveau, réception de Limoges samedi à 20h. Voilà, donc là, deux matchs cruciaux, vraiment cruciaux pour le maintien donc dans cette élite de hand pour Saran. Et enfin, pour finir, en athlétisme, le meeting de Rabat aura lieu donc également cette semaine. Ce sera dimanche. Voilà pour une nouvelle étape de la Diamond League de diamants d'athlétisme. Et je crois qu'on a fait le tour sur le programme de la semaine. Voilà, c'est déjà beaucoup. Et je vous laisse avec la suite donc du tennis et Marine Cilic qui vraiment tape un grand coup puisqu'il a fait le break à nouveau au même point que tout à l'heure, 4-2, enfin à 3-2, donc il a fait le break à 4, donc 4-2. Et là, encore une fois, il vient de remporter assez facilement sa mise en jeu pour confirmer son break et mener 5-2. Il pourrait mener dans quelques minutes, déjà 2-0. Et Medvedev, pour l'instant, c'est une petite déception. Et je vous le disais, en basket, bah ça y est, Monaco a fait le boulot pour revenir hein, dans la partie, puisque ça y est, désormais, le score est de 70 partout. 70-70, alors que d'ailleurs il y avait 20 points d'avance pour Strasbourg, puis 10, et puis maintenant il n'y en a plus. 70 partout, Monaco est bien revenu. Peut-être qu'on aura des prolongations dans cette rencontre. En tout cas, vous pouvez suivre la fin pour savoir qui se qualifiera pour la demi-finale. Voilà pour ce soir. C'est tout pour ce soir. Il est 22h. On va se quitter un petit peu plus tôt, mais voilà, de toute façon, les émissions seront un petit peu plus calmes et un peu plus courtes que d'habitude, puisque c'est vrai que l'actualité est plus légère. La semaine prochaine, peut-être pas d'émission puisque ce sera lundi de Pentecôte, je vous tiens informé. Sinon, on se retrouve la semaine suivante, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Mais pour lundi prochain, je vous redis. Et puis, on se quitte avec un dernier titre. Et on revient après dans quelques jours pour une nouvelle émission. Et on se quitte avec... je ne sais pas parce qu'il y a plein de choses, pas mal de choix et je ne sais pas quoi écouter. En tout cas, la semaine prochaine, j'espère qu'on pourra vous proposer les programmations comme d'habitude. Et là, on va écouter. Je ne sais pas du tout quoi écouter. On va écouter Bob Sinclair. On va pas écouter encore, mais. Tiens, Will Smith, c'était juste ici. Et ben Will Smith avec Men in Black. Allez, c'est parti. On termine avec ce titre et on se retrouve donc lundi prochain peut-être pour une émission. Sinon autrement, dans 15 jours, je vous retiens informé bien sûr. 21h, tout petit plus, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là. Bonne semaine et portez-vous bien, ciao, bye bye. Guys dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray Bans on. Walk in shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But we ain't on no government list. We straight, don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. Now, from the deepest of the darkest of